temps. Pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur, mec, j'patiente, j'attends mon heure. L'honneur de mon texte est glacé dans mon cœur. J'veux pas finir employé, mais plutôt employeur. J'veux gravir le sommet, car j'ai la graine d'un vainqueur. Faut que j'foute la terreur au faux MC aux erreurs. Faut que mon rap soit le meilleur dans ma tête comme ailleurs. Donc y'a pas de trêve, si j'me vote, faut que j'me relève. Faut que j'm'élève avant qu'un autre prenne la relève. Y'a pas le time de flair, j'crois que c'est clair. Faut que j'persévère, j'expose mon flow à la lumière. Mes rimes et mes phases pleines de frimes créent l'extase. Faut que je les élimine tous, y'en a trop qui gazent, mec, sans extasie. Mon sixième sens s'identifie, identifie mon son, mon nom, j'authentifie. Pas le droit de se louper, non, pas le droit à l'erreur. De toute façon, on reste groupé dans le pire pour le meilleur. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. Je peux entendre dire que je suis foutu, que je fous tout en l'air, que le rap nous tue. Pas le droit à l'erreur et je me situe parmi ces mecs de cité ayant un talent à exploiter. On dit tu vois t'es le mec au style convoité. Donc je veux pas me rater pour squatter les hit machines. T'as fait mes textes pendant que dans ma tête ça chine. Quand tout s'enchaîne comme échelonne en bas de la chaîne, comment rester droit quand c'est la vie qui fait la chaîne. Donc on la chaîne les rages, ma dernière chance de la scène. Mal assis elle la chaîne pour qu'on déchire même sur la scène. Échec sur échec scolaire, trop peu d'atouts pour qu'on tolère. Mes infractions aux règles et tout, mes excès de colère en deux molars. Je le pratique pour pas être dollar. Gangster en toc qui se fait tes sauts au bout du polar. Donc j'ai pas le droit à l'erreur, car moi ma chance elle est rare. Pas le temps de jouer les terreurs pour qu'on m'empoisonne au curare. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. J'ai pas le droit à l'erreur avec cette putain de concurrence. Tous les mêmes ambitions, les mecs ont les mêmes espérances. Sortir un album, marcher avec arrogance, faire disque d'or, entrer dans le monde des fausses apparences. Va pas te presser, sinon tu passes inaperçu. Si je baisse mon pantalon, ce sera bon verser. Si je fais pas de déçu, sinon tu me savates à coup de la si tu chies dessus. Soudain la musique devient ingrate. Pas le droit à l'erreur pour tous ceux qui nous soutiennent. Outsider position, c'est mon nom qu'il faut que tu retiennes. Nesbill impossible, imprévisible. Rapper, jouer le gangster, toi-même tu sais que c'est pas compatible. J'fous la merde comme un loup dans une bergerie. Sont pourris, j'viens de Lévis et pas de Philadelphie. Pas le droit à l'erreur avec la justice de mon pays. Délinquant star à la surface, le passé jaillit. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur. Pas le droit à l'erreur, de nos vies faut qu'on soit acteur. Le moteur, un truc qui pousse comme un réacteur. Vainqueur, car on compte pas finir amateur. Pour nos détracteurs, on va devenir profanateur.